par un retour en arrière, nous apprenons que Bette a sauvé 5 ans plus tôt Venceslas du suicide et lui a consacré ses économies, lui permettant ainsi de faire son apprentissage d'orfèvre. Sur les conseils d'un commerçant de ses amis, M. Rivet, elle a pris des « entre guillemets sûretés » qui lui permettraient de faire remettre Venceslas en prison pour dette si un jour elle le désirait. Cet épisode eut une influence terrible sur la vie intérieure de Venceslas et de Lisbeth. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absinthe et des reproches lorsqu'elle crut ses fonds compromis, et elle les crut, bien souvent perdus. La bonne mère devint une marâtre. Elle morigéna ce pauvre enfant, elle le tracassa, lui reprocha de ne pas travailler assez promptement et d'avoir pris un état difficile. Elle ne pouvait pas croire que des modèles en cire rouge, des figurines, des projets d'ornement, des essais puissent avoir du prix. Bientôt, fâchée de ses duretés, elle essaye d'en effacer les traces par des soins, par des douceurs et par des attentions. Le pauvre jeune homme, après avoir gémi de se trouver dans la dépendance de cette mégère et sous la domination d'une paysanne des Vosges, était ravi des câlineries et de cette sollicitude maternelle épris seulement du physique, du matériel de la vie. Mademoiselle Fischer prit ainsi sur cette âme un empire absolu. L'amour de la domination, resté dans ce cœur de vieille fille, à l'état de germe, se développa rapidement. Elle put satisfaire son orgueil et son besoin d'action. N'avait-elle pas une créature à elle, à gronder, à diriger, à flatter, à rendre heureuse, sans avoir à craindre aucune rivalité? Le bon et le mauvais de son caractère s'exercèrent donc également. Si parfois elle martyrisait le pauvre artiste, elle avait en revanche des délicatesses semblables à la grâce des fleurs champêtres. Elle jouissait de le voir ne manquant de rien. Elle lui donnait sa vie pour lui. Venceslas en avait la certitude. Comme toutes les belles âmes, le pauvre garçon oubliait le mal, les défauts de cette fille qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa vie comme excuse de sa sauvagerie et ne se souvenait jamais que des bienfaits. Un jour, la vieille fille, exaspérée de ce que Venceslas était allé flâner au lieu de travailler, lui fit une scène. « Vous m'appartenez, » lui dit-elle. « Si vous êtes honnête homme, vous devriez tâcher de me rendre le plus tôt possible ce que vous me devez. » Le gentilhomme, à qui le sang des Steinbock s'alluma, devint pâle. « Mon Dieu, » dit-elle, « bientôt, nous n'aurons plus pour vivre que les 30 sous que je gagne, moi, pauvre fille. » Les deux indigents, irrités dans le duel de la parole, s'animèrent l'un contre l'autre, et alors le pauvre artiste reprocha pour la première fois sa bienfaitrice de l'avoir arrachée à la mort pour lui faire une vie de forçat, pire que le néant, ou du moins on se reposait, dit-il. Il parla de fuir. « Fuir ? » s'écria la vieille fille. « Ah, Monsieur Rivet avait raison. » Et elle expliqua catégoriquement au Polonais comment on pouvait en 24 heures le mettre pour le reste de ses jours en prison. Ce fut un coup de massue. Steinbock tomba dans une mélancolie noire et dans un mutisme absolu. Le lendemain, dans la nuit, Lisbeth, ayant entendu des préparatifs de suicide, monta chez son pensionnaire, lui présenta le dossier et une quittance en règle. « Tenez, mon enfant, pardonnez-moi, » dit-elle, les yeux humides. « Soyez heureux, quittez-moi, je vous tourmente trop. Mais dites-moi que vous penserez quelquefois à la pauvre fille qui vous a mis à même de gagner votre vie. Que voulez-vous? Vous êtes la cause de mes méchancetés. Je puis mourir. Que deviendriez-vous sans moi? Voilà la raison de l'impatience que j'ai de vous voir en état de fabriquer des objets qui puissent se vendre. Je ne vous demande pas mon argent pour moi. Allez, j'ai peur de votre paresse, que vous nommez rêverie, de vos conceptions qui mangent tant d'heures pendant lesquelles vous regardez le ciel, et je voudrais que vous eussiez contracté l'habitude du travail. » Ce fut dit avec un accent, un regard, des larmes, une attitude qui pénétrèrent le noble artiste. Il saisit sa bienfaitrice, la pressa sur son cœur et l'embrassa au front. « Gardez ces pièces, » répondit-il avec une sorte de gaieté. « Pourquoi me mettriez-vous en prison? Ne suis-je pas emprisonné ici, par la reconnaissance ?» Cet épisode de leur vie commune et secrète, arrivé 6 mois auparavant, avait fait produire à Venceslas 3 choses. Le cachet que gardait Hortense, un groupe mis chez le marchand de curiosités et une admirable pendule qu'il achevait en ce moment car il vissait les derniers écrous du modèle. Il est facile maintenant de comprendre l'espèce d'attachement extraordinaire que Mademoiselle Fischer avait conçu pour son Livonien. Elle le voulait heureux. Elle le voyait dépérissant, s'étiolant dans sa mansarde. On conçoit la raison de cette situation affreuse. La Lorraine surveillait cet enfant du Nord, avec la tendresse d'une mère, avec la jalousie d'une femme et l'esprit d'un dragon. Ainsi, elle s'arrangeait pour lui rendre toute folie, toute débauche impossible, en le laissant toujours sans argent. Elle aurait voulu garder sa victime et son compagnon, pour elle, sage, comme il était, par force. Et elle ne comprenait pas la barbarie de ce désir insensé, car elle avait pris, elle, l'habitude de toutes les privations. Elle aimait assez Steinbock pour ne pas l'épouser, et l'aimait trop pour le céder à une autre femme. Elle ne savait pas se résigner à Nanette que la mère, et se regarder comme une folle quand elle pensait à l'autre rôle. Ces contradictions, cette féroce jalousie, ce bonheur de posséder un homme à elle, tout agitait démesurément le cœur de cette fille. Éprise réellement depuis 4 ans, elle caressait le fol espoir de faire durer cette vie inconséquente et sans issue, où sa persistance devait causer la perte de celui qu'elle appelait son enfant. Son combat de ses instincts et de sa raison la rendait injuste et tyrannique. Elle se vengeait sur ce jeune homme de ce qu'elle n'était ni jeune, ni riche, ni belle. Puis, après chaque vengeance, elle arrivait, en reconnaissant ses torts en elle-même, à des humilités, à des tendresses infinies. Elle ne concevait le sacrifice à faire à son idole qu'après y avoir écrit sa puissance à coups de hache. Quant à ce malheureux jeune homme, à pensée élevée, méditatif, enclin à la paresse, il offrait dans les yeux, comme ces lions encagés au jardin des plantes, le désert que sa protectrice faisait en son âme. Le travail forcé que Lisbeth exigeait de lui ne défrayait pas les besoins de son cœur. Son ennui devenait une maladie physique. Il mourait sans pouvoir demander, sans savoir se procurer l'argent d'une folie souvent nécessaire. Par certaines journées d'énergie, où le sentiment de son malheur accroissait son exaspération, il regardait Lisbeth comme un voyageur altéré qui, traversant une côte aride, doit regarder une eau saumâtre. Ces fruits amers de l'indigence et de cette réclusion dans Paris étaient savourés comme des plaisirs par Lisbeth. Aussi prévoyait-elle avec terreur que la moindre passion allait lui arracher son esclave. Parfois, elle se reprochait, en contraignant par sa tyrannie et ses reproches, ce poète à devenir un grand sculpteur de petites choses, de lui avoir donné les moyens de se passer d'elle. Le lendemain, ces trois existences, si diversement et si réellement misérables, celle d'une mère au désespoir, celle du ménage Marneff et celle du pauvre exilé, devaient toutes être affectées par la passion naïve d'Hortense et par le singulier dénouement que le baron allait trouver à sa passion malheureuse pour Josepha.